ça qui est dit, c'est ma ta boisson qui perd du galon plein le rein. Moi t'entends pas Wall Cap et Palais, moi m'a dit ça qui gagne, c'est ma ta boisson qui perd du galon plein le rein. Oui, il veut de rive, mi, entre dada tout suspect, pas tout samedi content, à cru le fruit à mes mains. Oui, il veut de rive, mi, entre dada tout suspect. Nous sommes dit content, à coup de fric à mes coucou.